Un soldat, nommé Anquin, allait habituellement à la chasse aux oiseaux et vivait du produit de leur vente. Un jour qu'il faisait chaud et qu'il avait du loisir, il s'assit à la porte d'un temple pour respirer le frais. Il prit une flèche et s'en servit pour se nettoyer l'intérieur de l'oreille. Mais tout à coup le vent ferma la porte contre laquelle il était appuyé. La pointe de la flèche, poussée avec force, s'enfonça dans sa tête et lui traversa les deux oreilles. Il mourut subitement et fut ainsi puni pour avoir tué des oiseaux à coups de flèche. Wu-Tang, de Lianling, emmenait ordinairement son fils à la chasse. Un jour, ils rencontrèrent un cerf qui folâtrait avec son faon. La vue de Tang leur fit prendre la fuite. Celui-ci saisit une flèche et tua le faon. Le cerf effrayé s'enfuit en poussant des cris douloureux. Tang s'étant caché au milieu des herbes touffues, le cerf vint lécher la blessure de son faon. Tang tendit de nouveau son arc et le tua. Quelque temps après, il aperçut un autre cerf et lui lança une flèche. Mais la flèche se détourna de sa direction et alla percer son fils. Tang jeta son arc et embrassa son fils en pleurant. En cet instant, il entendit, au milieu des airs, une voix qui lui dit : Tang, le cerf aimait son petit autant que tu aimais ton fils. Tang regarda autour de lui, lorsqu'un tigre s'élança du bois voisin et lui coupa la main avec ses dents. Le père et le fils périrent tous deux d'une mort cruelle. C'est ainsi que Wu-Tang fut puni pour avoir chassé des quadrupèdes. Faire sortir les insectes de leurs trous, effrayer les oiseaux qui sont endormis sur les arbres. Commentaire. Le mot chi de désigne ici les insectes qui sont cachés sous la terre. Si vous la retourniez avec une bêche et que vous les mettiez à découvert, ils se trouvent sans asile et il en meurt un grand nombre. Le mot chi 4 s'applique aux petits oiseaux qui reposent et dorment sur les arbres. Si vous les dispersez en les effarouchant, quand la nuit sera venue, ils ne sauront plus où se réfugier. Ils ne peuvent manquer d'être blessés ou tués. Un homme qui éprouve un sentiment de compassion pour les animaux ne tiendra jamais une semblable conduite. Histoire. Zhou Pin, qui vivait sous la dynastie des Song, habitait une maison qui était délabrée de toutes parts. Ses enfants l'ayant prié de la faire réparer, il leur répondit. Dans la rigueur de l'hiver, les crevasses des murs et les interstices des tuiles et des pierres servent d'asile à toutes sortes d'animaux. Il ne faut pas les exposer à perdre la vie. Dans la suite, ses fils et ses petits-fils arrivèrent au comble des honneurs. Wang Tzu imagina un stratagème pour chasser de leur nid les oiseaux qui l'importunaient par leurs cris. À l'aide d'une longue perche de bambou, il approchait de leur retraite des pétards dont l'explosion les effrayait et les faisait fuir. Quelque temps après, Wang Tzu tomba malade et mourut d'une frayeur subite. Dira-t-on maintenant que c'est une faute légère que d'effaroucher les oiseaux endormis, boucher les trous des insectes, détruire les nids des oiseaux? Commentaire. Le mot yue, hein, signifie les trous extérieurs des cavités où se logent les insectes. Ces trous sont comme les portes de nos maisons. Si vous les bouchez et si vous empêchez ainsi ces animaux de sortir, n'est-il pas à craindre que la famille entière ne meure? Le mot tchao 4 signifie les nids des oiseaux. Ces nids sont comme les habitations des hommes. Si vous les détruisez, où voulez-vous qu'ils aillent déposer leurs œufs et nourrir leurs petits? Vous montrez par là que vous êtes dépourvu d'humanité et d'amour pour les animaux. Histoire. Il y avait autrefois un mendiant de la secte de Efo qui savait qu'un samanéen, un prêtre bouddhiste, devait mourir au bout de 7 jours. Il lui recommanda de s'en retourner dans sa maison. Le prêtre s'étant mis en route, vit un filet d'eau qui était sur le point d'entrer dans un trou de fourmis. Il ôta promptement ses habits et en fit une espèce de sac qu'il remplit de terre. Il arrêta l'eau et l'empêcha de pénétrer dans le nid de ces insectes. De cette manière, il sauva la vie à des milliers de fourmis. 8 jours après, il revit le moine mendiant, qui fut rempli d'étonnement, et n'osait même s'en rapporter au témoignage de ses yeux. Il lui demanda ce qu'il avait fait depuis leur première entrevue. Le prêtre lui raconta comment il avait sauvé la vie à une fourmilière, en arrêtant un filet d'eau qui allait l'inonder. Cette bonne action, lui dit le moine, vous a rendu digne d'obtenir une longue vie. Quant aux hommes qui conservent les nids d'hirondelles, ils font une action louable, qui montre la bonté de leur cœur. Dans le village de Jochi, vivait un homme nommé Chu, qui avait toujours une extrême aversion pour les nids d'abeilles. Toutes les fois qu'il envoyait une entrée dans son nid, il prenait une échelle, s'il était placé trop haut, et s'empressait de le boucher. Dans la suite, il eut 2 fils, chez lesquels la voie durée était fermée. Quelqu'un lui ayant conseillé de l'ouvrir avec une broche de fer rougie, ses 2 enfants moururent subitement. C'est ainsi qu'il fut puni pour avoir bouché les trous des nids d'insectes. Dans le département de Suzhou, le jeune fils d'un homme nommé Xie avait coutume de monter sur les arbres pour briser les nids d'oiseaux et prendre les petits. Un jour qu'il était monté sur un arbre, il aperçut un serpent qu'il avait devancé et qui dévorait les petits oiseaux d'un nid. L'enfant fut glacé d'effroi et ouvrit une bouche béante par laquelle le serpent entra tout entier. Il tomba de l'arbre et mourut. C'est ainsi qu'il fut puni pour avoir détruit les nids des oiseaux. Tuer les femelles qui portent, briser les œufs des oiseaux. Commentaire. Les animaux sont vivipares, les oiseaux sont ovipares. Lorsque les petits ou les œufs sont encore renfermés dans le sein de la mère, il faut prendre des soins extrêmes pour les préserver de tout accident. Mais si vous tuez les femelles à cette époque, vous anéantissez les moyens dont se servent le ciel et la terre pour donner la vie aux animaux. C'est un crime des plus graves. Histoire. Qin Song, de la dynastie des Song, sacrifiant un jour à la partie méridionale de la rivière Fen, il aperçut une brebis qui vint se jeter le long de la route. L'empereur en fut surpris et en demanda la cause. On lui répondit que ce jour-là son chef de cuisine avait tué le petit de cette brebis. Qin Song éprouva un sentiment de douleur. Et dès ce moment il ne permit plus qu'on tuât pour sa table de jeunes agneaux. Un conseiller impérial nommé Chiu Yu, faisant cuire un jour de ces petites anguilles qu'on appelle chênes, en vit plusieurs qui se repliaient sur elles-mêmes et faisaient tous leurs efforts pour s'élancer hors du vase. Il les ouvrit et les trouvait remplis d'œufs. Il comprit alors qu'elle s'était repliée sur elle-même et avait tâché de sortir de l'eau chaude afin de préserver leurs petits. Si les hommes du siècle réfléchissent bien à ces 2 exemples, comment oseront-ils encore ôter la vie aux animaux? Dans les années suivantes, de 1119 à 1126, un riche marchand nommé Yang Xiu vit en songe un esprit qui lui dit « Vous êtes condamné à mourir dans 10 jours ». Mais vous échapperez à ce malheur, si vous pouvez sauver la vie à 1 milliard d'animaux. Le terme fatal est si rapproché, reprit Yang Xiu, qu'il me sera impossible d'atteindre à ce nombre. L'esprit lui dit, on lit dans les livres de Efo, Les œufs de poisson qui n'ont pas trempé 3 ans dans la saumure peuvent encore recevoir la vie. Pourquoi ne pas recourir à ce moyen? Yang Xiu écrivit ce passage en gros caractères et l'afficha au milieu de la grande route. Tous les hommes qui le lurent profitèrent de cet avis, et dès qu'ils voyaient une personne sur le point d'ouvrir un poisson, ils l'achetaient et allaient le jeter dans la rivière. Yang Xiu revit en songe le même esprit qui lui dit « Le milliard est complet, votre vie sera prolongée. » Dans la suite, il vécut en effet jusqu'à l'âge de 90 ans. Quant aux poules qui ont pondu leurs œufs, elles les couvent jusqu'à ce que leurs petits soient sortis de la coquille. Mais si vous mangez leurs œufs, la mère restera des mois entiers blottie dans son nid et songera douloureusement à ses petits. Si les hommes avaient cette idée devant les yeux, comment auraient-ils le cœur de briser les œufs des oiseaux? Désirer que les autres hommes éprouvent des pertes. Commentaire. Le mot yuan hein, signifie ici former une pensée au fond de notre cœur et désirer que telle chose arrive aux autres. Les anciens disaient, quand un homme forme un vœu louable, le ciel ne manque pas de l'accomplir. On voit par là que le ciel loue la sincérité avec laquelle un homme se porte au bien et le protège de mille manières. Mais si l'homme forme un vœu coupable, le ciel s'irrite aussitôt contre lui et ne lui accorde jamais ce qu'il désire. Le mot yuan, hein, qu'on va voir employé plusieurs fois, doit recevoir le même sens que dans le texte. Le mot chi, 4, signifie perdre, par exemple, perdre sa réputation, sa fortune, perdre ses espérances. Les pertes, les succès, des autres hommes dépendent du destin. Ainsi nous ne devons point nous en occuper. Si donc nous souhaitons que les autres éprouvent des pertes, nous montrons non seulement une basse jalousie, mais même un égoïsme et une dureté inexcusables. Ordinairement nous éprouvons des pertes avant ceux à qui nous en avions souhaité. Histoire. Li Seng avait été envoyé en ambassade en Corée avec Xu Ying. Et ils s'en revenaient dans leur pays avec une multitude de marchandises d'un grand prix. Ying, craignant que le vaisseau ne prît l'eau, mit dans la cale toutes les marchandises de Seng et plaça les siennes sur le pont. À peine eut-on mis à la voile, qu'il s'éleva une violente tempête. Les matelots demandèrent avec instance qu'on allégeât la charge du vaisseau pour l'empêcher d'être submergé. Dans le trouble où ils étaient, ils prirent tout ce qu'ils trouvèrent sous leurs mains et le jetèrent à la mer. Quand le vent fut apaisé, on fit le compte des objets perdus. C'étaient les marchandises appartenant à Xu Ying. Seng ne perdit pas la plus légère partie de ses marchandises, qui avaient été placées dans la cale du vaisseau. Dans les années Quintao, 2068 à 1070. Un étudiant nommé Liu, et son condisciple Xiu, qui était de son pays, se trouvaient l'un à côté de l'autre dans la même salle du concours. Ils examinèrent mutuellement leur composition. Liu voyant que celle de Xiu était supérieure à la sienne, conçut le désir de la lui voir perdre. Il fit semblant de la jeter au milieu d'une foule d'étudiants, et la laissa tomber par terre. Puis, afin de tromper Xiu, il lui dit « Je l'ai perdu. » Xiu fondit en larmes et se mit à chercher sa composition. Un employé de la salle du concours ramassa cette composition et, s'étant informé de la vérité, la rendit à celui qui l'avait écrite, en disant « À l'instant je viens de voir quelqu'un jeter par terre cette composition. Je l'ai ramassée, la voici. » Xiu obtint le titre de docteur, et Liu ne put de sa vie y parvenir. C'est ainsi que Xiu Ying et Liu furent punis pour avoir désiré que les autres éprouvassent des perles. Détruire le mérite acquis par les autres. Commentaire. Un homme a besoin d'efforts longtemps soutenus pour acquérir du mérite. Si on l'empêche d'accomplir une œuvre méritoire, lorsqu'il est sur le point d'y réussir, ou bien si on détruit cette œuvre méritoire lorsqu'elle est déjà accomplie, cette conduite perfide est aussi pernicieuse que le venin du serpent ou la piqûre du scorpion. Histoire. Autrefois, Wang Qingzhou, ayant détruit le mérite de Keuchin, mourut d'une mort prématurée sans laisser d'enfant. Zhang Wei, ayant détruit le mérite de Yu Fei, perdit ses fils et ses petits-fils. Sous la dynastie des Ming, dans les années Qiaxing, 2562 à 1567, Zhangxian, gouverneur général des trois frontières, en qualité de Tu Yuse, voulut châtier les rebelles de Hotao. Un ministre d'État nommé Yen Song fut jaloux du mérite qu'il avait acquis. Il calomnia Zhangxian et Yuan Zhaya, en disant que de leur propre mouvement, ils avaient provoqué les hostilités des peuples des frontières. Ils eurent tous de la tête tranchée. Mais quelque temps après, Yen Song fut dépouillé de ses biens, et son fils Shifan fut condamné à être coupé en deux. On voit par là que celui qui calomnie les autres finit par en être cruellement puni. Comment les hommes pourraient-ils persister dans leur aveuglement? Exposer les autres hommes au danger pour se mettre soi-même en sûreté. Commentaire. Voici le sens du texte. Par exemple, vous demeurez avec une autre personne et vous lui ordonnez de s'exposer au danger, tandis que vous restez dans un lieu sûr et tranquille. Vous êtes associé avec un autre homme dans une entreprise et vous faites tomber sur lui seul les pertes que vous deviez partager. Histoire. Sous la dynastie des Song, Li Chu était à la tête de l'armée de Yong An. À cette époque parut une troupe de brigands commandée par un chef audacieux. Chu craignit de tomber sous leur coup, et, à l'aide d'un stratagème perfide, il réussit à se faire remplacer par Fan Ying. Ying prit alors le commandement de Yong An, et Chu put quitter sa charge et s'éloigner du danger. Quelque temps après, les rebelles s'emparèrent de Yong An et massacrèrent toute la famille de Fan Ying. Li Chu fut nommé gouverneur de Hangcheoufu, mais il rencontra en route des brigands qui le firent périr avec toute sa famille. Ainsi il éprouva à son tour le malheur auquel il avait voulu se soustraire en y exposant Fan Ying. Trois hommes de Piao Tsingcheu, Yang Ta, Wang Cheu, et Tiao Eul voyageant avec un homme d'une intelligence bornée, se retirèrent dans le creux d'une montagne pour se mettre à l'abri de la pluie. Tout à coup un tigre vint passer devant eux. Ils poussèrent hors de leur retraite leurs compagnons, pensant que le tigre se contenterait d'une victime et s'en irait. Mais leur attente fut trompée. Le tigre emporta l'homme à quelque distance et le déposa par terre, sans s'éloigner de la montagne. Tout à coup le rocher s'écroula. Le tigre, effrayé de sa chute, s'enfuit sans avoir fait de mal à l'homme qu'il avait emporté, mais les trois autres voyageurs furent écrasés sous des masses de pierres. C'est ce qu'on appelle déployer toutes les ressources de son esprit et ne réussir qu'à compromettre sa propre vie. Ces deux exemples font ressortir avec éclat la vérité des préceptes du livre appelé San Kuanqing. Chercher son avantage aux dépens des autres. Commentaire. Le mot qian hein, signifie diminuer, retrancher. Le mot yi, 4, veut dire ajouter, augmenter, littéralement. S'augmenter en diminuant les autres. Par exemple, lorsqu'un magistrat s'engraisse, c'est A. D. S'enrichit des dépouilles du peuple. Lorsqu'un homme riche et puissant retire de grands profits aux dépens des autres, Lorsqu'on rabaisse les exploits de ses compagnons d'armes pour augmenter son propre mérite, lorsqu'un homme diminue les richesses des autres pour ajouter à son opulence, lorsqu'on emploie toute espèce de moyens pour faire du tort aux autres et rechercher son propre intérêt, on finit par perdre en secret les biens dont on s'était emparé ouvertement et on se trouve plus pauvre que celui qu'on avait voulu dépouiller. On lit dans le livre intitulé San Kuan King, vous coupez la chair de votre semblable, c. A. D. Vous le dépouillez de son bien, sans songer que vous allez le réduire à la misère, vous ne pensez qu'à vous enrichir. Pour engraisser votre famille, pour nager dans l'opulence, vous déployez toutes les ressources de votre esprit, et vous ne réussissez qu'à compromettre votre propre existence. Dès que le crime a pris racine au fond de votre cœur, il est impossible de l'extirper. Quand nous cherchons avidement les richesses et que nous ne songeons qu'à notre propre intérêt, tantôt la foudre éclate sur notre tête, tantôt la contagion se répand dans notre pays. Elle nous enveloppe et nous frappe de son influence mortelle. La colère du ciel que nous nous sommes attirés se cumule avec nos crimes, dont le châtiment s'étend jusqu'à nos enfants et nos petits-enfants. On voit par là que ceux qui diminuent le bien des autres pour ajouter au leur ne font qu'augmenter leurs crimes. Histoire. Chinki avait 3 jeunes frères. Craignant qu'ils ne demandassent à leur majorité le partage égal de la succession paternelle, il hypothéqua secrètement les terres entre les mains d'un de ses amis intimes, nommé Maolié. Quand ses frères furent devenus grands, qui partagea également le reste de la succession, dans l'espoir de racheter ensuite avec de l'argent les terres qu'il avait engagées. Mais Maolié, connaissant son intention, reçut l'argent et ne lui rendit point le contrat d'hypothèque. Qui entra en colère, et alla accuser Maolié dans le temple de l'Est, le temple du mont Taishan. Chinki et Maolié furent frappés de mort. Quelque temps après, Qi revint à la vie, et raconta que quand ils se présentèrent devant le roi des enfers, Maolié s'appuya sur la possession du contrat, pour montrer son innocence. Mais le roi des enfers, montrant du doigt le cœur de Maolié, lui dit « Ce contrat est une preuve insuffisante, je ne m'en rapporte qu'au témoignage de votre cœur. » Maolié reconnut son crime et fut condamné à une double peine. Chinki ayant abusé de sa supériorité d'âge pour faire du tort à ses jeunes frères, vit diminuer l'espace de temps que le ciel lui avait assigné et revint ensuite sur la terre. Ainsi, Chinki, qui avait voulu diminuer le lot de ses frères pour augmenter le sien, fut dépouillé de son bien par Maolié. Maolié lui-même, qui avait voulu dépouiller Chinki pour s'enrichir, fut châtié de son crime dans l'autre monde. Si nous avons recours à la ruse pour nous emparer secrètement des biens des autres, à la fin il ne nous en restera pas la plus légère parcelle. Quel avantage nous revient-il donc de diminuer ce qui appartient aux autres? Un homme de Changcheu, nommé Sui, avait la charge de geôlier. Il était riche et avare. Un jour qu'il avait acheté une propriété, il voulut revenir sur le marché et obtenir une diminution. Le vendeur, qui était gêné, se vit obligé de céder à sa demande. Les fils de Sui prièrent leur père de donner à cet homme quelque chose de plus. Un jour, lui dirent-ils, nous vendrons cette propriété et nous en retirerons le double de ce qu'elle a coûté. Le père fut ébranlé par ces paroles et se rendit aux instances de ses fils. Ces deux exemples devraient dissiper l'aveuglement des hommes qui, pour s'enrichir, diminuent ce qui revient aux autres. Donner de mauvaises marchandises en échange de bonnes. Commentaire. Le mot i, un, signifie employé. Parango, 2. Mauvais, on entend des objets d'une qualité inférieure, ou dont la nature est falsifiée. Le mot i, 3, veut dire échanger. Parao, 4. Bon, on entend des marchandises sans mélange et de bonne qualité. Si on échange une marchandise falsifiée contre une marchandise de bonne qualité, si on donne un objet laid et défectueux en échange d'un objet agréable et sans défaut, on trompe les autres, et on ressemble tout à fait à un voleur. Histoire Su Tongpo avait un beau morceau de jade auquel il attachait le plus grand prix. Un homme, nommé Changchi, vint le lui emprunter pour le voir, et lui rendit à la place une de ces pierres qu'on appelle Yanshi. Su Tongpo ne savait pas que cet homme l'avait trompé, mais, au bout de quelques jours, ayant voulu regarder son morceau de jade, il reconnut la supercherie de Changchi et se contenta d'en rire. Quelque temps après, Changchi fut exilé à Taichéou et y mourut. On ignore à qui revint le beau morceau de jade. En général, les objets précieux ne font que passer de main en main. Si vous vous en emparez par la ruse, une rupe semblable vous les fera perdre. À quoi servent les échanges frauduleux? Il est vivement à désirer que les hommes du siècle s'abstiennent du vice que nous signalons. Abandonner le bien public par des motifs privés. Commentaire. Le mot C, 2, peut s'appliquer à nos affaires particulières, à notre amitié particulière, à notre partialité, à nos inimitiés particulières. Le mot Kong, 4, désigne à la fois les affaires publiques, les intérêts de l'État, et les décisions justes, les règles de l'équité. Le mot Fei, 3, veut dire abandonner une chose, ne pas en faire usage. Il y a des personnes qui, par égoïsme ou partialité, mettent de côté la justice, et ne veulent pas même en entendre parler. Ce ne sont ni des ministres fidèles, ni des lettrés pénétrés de leurs devoirs. Histoire. Chao Pien était moniteur impérial. Il eut un jour un différend avec Fan Qin, en discutant sur une affaire administrative. Wang Anshi étant devenu ministre, Fan Qin révéla plusieurs fois ses fautes. Anshi en conçut un violent ressentiment contre lui. Un jour l'empereur lui demanda : quel homme est-ce que Fan Qin ? Si votre majesté veut le savoir, répondit Anshi, elle n'a qu'à interroger Chao Pien. L'empereur ayant adressé la même question à Chao Pien, il répondit : Fan Qin est un serviteur fidèle. Comment le savez-vous ?